إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، eh bien, chers frères, nous allons ce soir, Inch'Allah Ta'ala, méditer ensemble sur une recommandation d'un des nobles compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie des plus savants parmi eux et qui n'est autre que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ce noble compagnon qui est entré en islam à Mecca et qui fait partie des tout premiers croyants qui ont tenu compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont ensuite émigré vers Médine. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a écouté le Coran depuis qu'il est descendu et il l'a mémorisé d'une si bonne manière qu'il disait à ce sujet: si je savais qu'il y avait quelqu'un sur terre plus savant que moi au sujet du livre d'Allah, j'aurais alors voyagé vers lui. J'aurais voyagé vers lui pour apprendre de lui ce qu'il sait que je ne sais pas. Donc il mémorisait le Coran et il était le meilleur lecteur parmi les compagnons radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet: celui qui souhaite réciter le Coran tel qu'il est descendu, qu'il le récite alors comme Ibn Ummi Abd, le fils de la mère du serviteur, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum, car ceci était son surnom. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de réciter le Coran. Il lui répondit: « Vais-je te le réciter au messager d'Allah alors qu'il est descendu sur toi ?» Il lui dit: « J'aime l'écouter réciter par quelqu'un d'autre. » Alors, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a commencé à réciter surat al-Nisa jusqu'à arriver à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: « فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَٰئِ شَهِيدًا. » Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: ça suffit. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: je me suis alors tourné vers lui et ses yeux versaient des larmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait à l'écoute de ce verset. Et notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de suivre les traces de Abdullah ibn Mas'ud et de nous accrocher à ses recommandations. On rapporte de lui qu'il a dit: accrochez-vous aux recommandations d'Ibn Ummi Abd. Et il a également dit: j'agrée pour ma communauté ce qu'agrée pour elle Ibn Ummi Abd. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu avait cette habitude d'adresser des recommandations succinctes. Et les recommandations qui sont rapportées de lui sont très nombreuses et sont toutes riches en enseignements. Et c'est pour cela que j'ai choisi qu'en cette nuit, nous nous arrêtions ensemble sur une de ces recommandations profitables. On rapporte de lui qu'il a dit, radiyallahu anhu, « Tant que tu es en prière, tu frappes certes à la porte du roi, et celui qui frappe abondamment, on finira alors par lui ouvrir. » Tant que tu es en prière, tu frappes à la porte du roi, le souverain des cieux et de la terre, le seigneur de l'univers, celui qui possède toutes choses et qui est capable de toutes choses. Et si tu restes longtemps à frapper, alors on finira certainement par t'ouvrir et tu obtiendras de nombreux bienfaits. Et cette parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est un encouragement à prolonger sa prière, à ne pas la négliger, car la prière est d'une grande importance pour le croyant. Et c'est le lien entre le serviteur et son Seigneur. Et plus tu resteras longtemps debout en prière, en prolongeant ta lecture, puis en prolongeant tes inclinations et tes prosternations, plus ta prière te sera profitable, Inch'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. » En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Mais ici, une question se pose. De quelle prière s'agit-il? Est-ce que toute prière préserve son auteur de la turpitude et du blâmable? La réponse est non. La prière qui préserve de la turpitude et du blâmable est la prière qui est accomplie comme il se doit. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit avant cela « Wa aqimis salah » et accomplis la prière. Et dans le verbe « accomplir », il y a ce sens de perfection, le fait de réaliser pleinement ta prière, de t'appliquer dans ta prière, non pas simplement de faire la prière. Ce sont deux choses différentes. « Aqimis salah » accomplis la prière. Ne fais aucun doute que celui qui s'applique dans l'accomplissement de sa prière, il profitera de nombreux bienfaits. Et celle-ci l'éloignera des péchés et des désobéissances. Elle sera une cause qui va l'aider à délaisser ce qui est blâmable et délaisser ce qui est interdit. Et ceci est un parmi les nombreux bienfaits de la prière. Il a donc dit dans sa recommandation, « Tant que tu es en prière, tu frappes certes à la porte du roi, et celui qui frappe abondamment finira par lui ouvrir. » Et j'aimerais que l'on médite ici ensemble sur le sens de cette comparaison faites dans cette parole d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, car celle-ci comprend en réalité de nombreux bénéfices. Il a comparé ici celui qui prolonge sa prière, qui reste longtemps debout en prière, à quelqu'un qui frappe longuement à une porte. Et ceci en réalité nous indique que celui qui prie doit être attentif à ce qu'il dit, attentif à ce qu'il fait, comme celui qui frappe à une porte. Il souhaite qu'on lui ouvre la porte, donc il va faire attention à ce qu'il dit, il va prononcer des paroles qui vont permettre à ceux qui sont derrière cette porte de lui ouvrir. Et il va adopter un certain comportement, car sa préoccupation est qu'on lui ouvre. Il ne se préoccupe pas d'autre chose si ce n'est de se faire ouvrir cette porte. Et telle doit être la situation du croyant en prière. Il ne doit se préoccuper que de sa prière, que de ce qu'il dit dans cette prière, de ce qu'il fait comme geste dans cette prière par laquelle il se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu pries, tu dois vider ton cœur de toute préoccupation pour te concentrer et te consacrer à cette prière que tu accomplis pour ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ceci ne peut se concrétiser qu'en méditant sur ce que tu dis en prière. Beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, se plaignent d'un manque de recueillement, d'un manque de concentration. Ils ne retrouvent pas cela dans leurs prières. Malgré qu'ils soient assidus aux prières obligatoires, qu'ils les fassent suivre de nombreuses prières surrogatoires, qu'ils prient la nuit, malgré cela, il n'est pas concentré. Il n'arrive pas à se recueillir. Dans ses prières, il pense à autre chose. Pourquoi? Car dans de nombreux cas, il ne comprend pas ce qu'il dit. Il ne comprend pas le sens des mots qu'il prononce dans sa prière pour se rapprocher d'Allah. Il se peut que certains prononcent seulement des syllabes ou des sons les uns après les autres sans les comprendre. Penses-tu que tu pourras te recueillir de cette manière? Bien sûr que non. Si tu prononces des mots dont tu ne connais pas la signification, comment peux-tu être concentré dans ta prière? Donc pour te recueillir, il est nécessaire que tu saches ce que tu dis, que tu connaisses le sens de ces mots que tu prononces dans ta prière, le sens du tasbih, Subhana Rabbi al-Azim. Qu'est-ce que cela signifie? Subhana Rabbi al-A'la, Sami'a Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le loue. Qu'est-ce que cela signifie ici, Allah entend? Beaucoup de personnes ne savent pas. Également le sens du tashahhud, le sens des sourates que tu récites, et ainsi de suite. Beaucoup de gens ignorent le sens de ces paroles. Ils prononcent ces formules de rappel immenses, sans les comprendre, et ensuite ils cherchent à se recueillir. Et bien sûr, cela est difficile, car le recueillement, il dépend de quoi? Il dépend et il découle de ta méditation. Si tu ne comprends pas ce que tu dis, tu ne peux pas le méditer. Et si tu ne médites pas, tu ne peux pas te recueillir. Ça va de soi. Et c'est pour cela que les gens ne sont pas tous égaux en termes de récompense dans leur prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme termine sa prière alors qu'on ne lui a inscrit que le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers ou la moitié de sa prière. » Les gens de science ont dit que la cause de cette différence en termes de récompense entre les personnes est ce qui échappe à certains en termes de recueillement. Plus tu vas te recueillir dans ta prière, plus tu vas méditer sur les paroles que tu prononces, plus tu vas méditer le Coran, plus tu vas méditer les formules de rappel que tu prononces, ne serait-ce que le takbir, Allahu Akbar. Beaucoup d'entre nous, on prononce cette parole dans nos mouvements en prière, lorsqu'on passe d'une position à une autre, sans être conscient du sens de cette parole. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Il est plus grand que toute chose, plus grand que ce qui te préoccupe, plus grand que ce qui pourrait te détourner de cette prière. Allah est plus grand. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, mérite que tu lui accordes son droit comme il se doit, de l'adorer seul sans associé, et de t'appliquer dans cette prière, que tu te soumettes à ses ordres, que tu délaisses ses interdits, et entre dans cela le fait de t'appliquer dans cette prière. Malheureusement, on ne médite pas cela donc, le recueillement nous échappe, et par conséquent, de grandes récompenses nous échappent. Le khushu', le recueillement ou l'humilité, ce n'est pas une obligation en prière. L'obligation, c'est la quiétude, que tu accomplisses correctement chacun de tes mouvements et que tu observes un temps d'immobilité dans chacun des piliers de ta prière. Ça, c'est obligatoire. Et le recueillement, c'est une chose supplémentaire qui se trouve dans le cœur et qui est liée, comme on a dit, à la méditation. C'est la voie qui te mènera au recueillement dans la prière, de méditer sur ce que tu dis, dès le début de ta prière, en prononçant le takbir, puis l'invocation d'ouverture. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Nous sommes nombreux à prononcer cette parole, mais qui parmi nous en connaît le sens? Qui parmi nous connaît le sens de ces paroles et les médite lorsqu'il les prononce? Qui parmi nous médite l'essence de la Fatiha lorsqu'il la récite? Qui parmi nous médite le sens d'al-isti'adha, la recherche de refuge auprès d'Allah, lorsqu'il la prononce dans sa prière? Donc tout ceci, c'est la clé du recueillement, bi'idhnillahi ta'ala, de méditer sur ces termes, de méditer sur ces paroles que tu prononces. C'est pour ça, comme on a dit, que les gens diffèrent. Et il se peut que deux personnes prient à côté, côte à côte, dans un même rang de prière, et qu'en termes de récompense, il y ait la même distance qui les sépare que la distance qu'il y a entre les cieux et la terre. Il est rapporté qu'un jour un compagnon a dit dans sa prière, après s'être redressé de l'inclination, « Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé la prière, il a demandé qui avait prononcé cette parole. Alors le compagnon dit « C'est moi ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « J'ai vu plus d'une trentaine d'anges s'empresser afin d'être le premier à l'écrire. » Subhanallah. Est-ce que vous pensez que toute personne qui prononce cette parole est de même degré? Ceci arrive lorsque la personne comprend ce qu'elle dit, lorsqu'elle ne le prononce pas seulement avec sa langue, mais que le cœur y est aussi, que le cœur est présent, que le cœur est en accord avec la langue, qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala pas seulement avec sa langue, mais aussi avec son cœur, avec un cœur rempli d'humilité, de crainte et d'espoir. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'apprendre ces termes que nous prononçons dans notre prière. Car celui qui ne sait pas leur sens, c'est qu'il a besoin d'apprendre le sens de ces paroles. Donc ceci nous encourage à l'étude de la science également. Ne pas te contenter d'apprendre les règles de ta religion de manière globale. Beaucoup de musulmans, malheureusement, ils n'ont de connaissance de leur religion qu'une culture générale. Ils connaissent globalement les choses. Mais les connaissances approfondies, peu de personnes se soucient de cela. Peu de personnes cherchent à approfondir leurs connaissances concernant leurs prières. Juste cela. Apprendre les sagesses qu'il y a dans la prononciation des différentes formules de rappel en prière. C'est une science immense dont tu as besoin pour accomplir ta prière. J'ai bien dit pour accomplir, pas pour faire la prière. Tu peux la faire sans cela, mais tu ne pourras pas l'accomplir. Donc mes bien chers frères, il est nécessaire pour nous de donner de l'importance à cela. Si tu te sens concerné par ces choses que l'on a mentionnées, ne sois pas satisfait de cette situation. Ne reste pas dans cette situation. Mais dès cette nuit, instruis-toi au sujet de ces formules de rappel que tu prononces dans ta prière. Dès cette nuit. Et ceci fait partie des meilleures œuvres de bien qui vont t'ouvrir une multitude de portes vers la méditation, la compréhension et le recueillement dans ta prière. Tu vas pouvoir prolonger ta prière en trouvant du plaisir dans ta prière. Car tu vas comprendre ce que tu dis, comprendre ce que tu fais. Ta prière va donc prendre une autre allure, une autre saveur. Et ainsi tu vas pouvoir prolonger ta prière. Et tant que tu es en prière, comme te le dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, tu frappes certes à la porte du roi. Et celui qui frappe abondamment, on finira par lui ouvrir. Celui qui prolonge sa prière, qui se recueille dans sa prière, qui fait preuve d'humilité, qui reste longtemps en prière, on finira par lui ouvrir. Et vers quoi lui ouvrira-t-on? Qu'obtiendra-t-il? Il obtiendra al-ma'iyya, l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'al-ma'iyya d'Allah pour son serviteur? Cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer. Allah va lui accorder la réussite. Allah va lui accorder la rectitude. Il va lui accorder son secours et son aide dans ses affaires. Et tout ceci fait partie des bienfaits qui découleront du fait que tu te sois instruit à ce sujet, qu'en conséquence tu aies médité le sens de ces paroles, puis que tu te sois recueilli en prière et que tu aies prolongé cette prière avec humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette prière-là, elle te préservera bi'idhnillahi ta'ala de la turpitude et du blâmable. Vous voyez que cela est d'une importance immense. Et nous avons tous des manquements à ce sujet. Et nous devons tous faire des efforts pour apprendre, nous instruire, apprendre le sens de ces invocations, apprendre le sens des versets que l'on récite. Lorsque tu récites le Coran, surtout en ces derniers jours, nombreux sont ceux qui essayent de le clôturer. Ton objectif, ce ne doit pas être seulement de clôturer le Coran. Bien sûr, c'est une bonne chose, c'est un bel objectif. Mais essaye aussi de tirer profit de ce que tu lis, de méditer sur la parole de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, chers frères, on a dit que le khushu', le recueillement, a pour clé la méditation. Et que ce recueillement, il te permettra d'être de ceux qui profitent réellement des bienfaits de la prière. Toutefois, tu dois prendre garde que ce recueillement ne soit pas seulement un recueillement du corps sans le recueillement du cœur. C'est à ce sujet qu'on rapporte une recommandation d'un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Abu Darda. Un jour, il a dit à ses compagnons « Cherchez refuge auprès d'Allah contre le recueillement hypocrite, le recueillement simulé. » Ils lui ont alors dit « Et qu'est-ce que le recueillement hypocrite ?» Il a dit « C'est que tu vois le corps se recueillir alors que le cœur ne se recueille pas. » Et ça, c'est très dangereux. Et telle est la situation des hypocrites qui font la prière avec les musulmans mais dont les cœurs ne font pas preuve d'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet « Yura'ouna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila » Ils font de l'ostentation pour les gens, ils se montrent devant les gens mais ils ne se rappellent que très peu d'Allah. Leurs cœurs ne sont pas présents. Ils font semblant, ils simulent qu'ils font la prière mais en réalité ils ne prient pas. Car ils font cela par hypocrisie. C'est pour cela qu'Abu Darda nous donne cette recommandation. Cherchez refuge auprès d'Allah contre le recueillement hypocrite, l'humilité hypocrite. Ne suffit pas dans ta prière que tu t'immobilises et tu fasses preuve de quiétude. Bien sûr, ceci est nécessaire, comme on a dit. Ceci fait partie des piliers de ta prière. Mais ton cœur doit être présent. Et c'est ton cœur qui doit s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala avant ton corps. Lorsque tu te prosternes, ce n'est pas seulement tes membres qui doivent se prosterner. Mais cette prosternation doit avoir un sens. Tu dois avoir conscience que tu te prosternes pour le Seigneur de l'univers. Et que cette prosternation est une adoration immense. Et ça, c'est ce qui manque à beaucoup d'entre nous aujourd'hui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer et de purifier nos cœurs. Les compagnons, radiyallahu anhum, accomplissaient de nombreuses adorations pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il se peut que parmi ceux venus après eux, parmi les tabi'in ou les générations suivantes, il y en ait qui aient fait plus d'adoration en termes de nombre que ce qui nous est rapporté des compagnons radiyallahu anhum. Pourtant, les compagnons radiyallahu anhum ont un rang plus éminent. Et quel est le secret en cela? Cette question fut posée à l'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. On lui dit, les tabi'un, qui sont ceux de la génération qui ont pris la religion, des compagnons radiyallahu anhum. On lui a donc dit, les tabi'un font plus d'adoration que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment les compagnons ont pu atteindre un rang plus éminent qu'eux? Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala a dit, les compagnons vouaient le culte à Allah et l'au-delà était dans leur cœur. Quant à eux, ils vouent le culte à Allah, mais c'est la dunya qui est dans leur cœur. Et il y a une grande différence entre ceci et cela. Il y a une grande différence entre ceci et cela. Mais dites cette parole d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qu'il parle de la deuxième génération des musulmans, les meilleurs de cette communauté après les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire s'il avait vu notre génération? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs lorsqu'on voue le culte à Allah? Est-ce qu'on est vraiment humilié devant Allah lorsqu'on est en prière, ou alors est-ce qu'on pense à notre travail, à notre argent, à notre famille, à comment je vais faire ceci ou cela, et ainsi de suite? Et ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce à quoi ton cœur est attaché. C'est pour ça que ces préoccupations sont présentes dans ton cœur, car c'est ça à quoi tu es attaché. Et ceci dénote un manque de foi, un manque d'humilité, un manque de vénération à l'égard d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tout ceci nous incite, mes frères, comme on l'avait mentionné dans la première assise, à donner de l'importance à la purification de nos cœurs, et de prendre garde à ne pas faire partie de ceux dont les corps font mine de faire preuve d'humilité en prière, alors que leurs cœurs sont absents. Wallah al-musta'an. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs et de nous aider à nous humilier pour lui en prière. On va donc s'arrêter là pour ce soir. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.